expliqué qu'il fallait virer tous les étrangers. Être ou ne pas être devient la question. Et Shakespeare en réclame sa place au Panthéon. To be or not to be, Jean-Marie, Jean-Marie. To be or not to be, Jean-Marie de Charlie. To be or not to be, Jean-Marie, Jean-Marie. To be or not to be, Jean-Marie de Charlie. Depuis qu'à la télé t'as expliqué qu'il fallait contrôler les nationalités. Aïe! Du nord au midi, les Vosges-Pyrénées, y'a pas un Français qui ne se sente étranger. To be or not to be, Jean-Marie, Jean-Marie. To be or not to be, Jean-Marie Tichari. To be or not to be, Jean-Marie, Jean-Marie. To be or not to be, Jean-Marie Tichari. Noah et Platini sont partis, mes amis, se faire la balle dans un autre pays. Même les Bretons se posent des questions. Est-il anglais ou bien breton? To be or not to be, Jean-Marie, Jean-Marie. To be or not to be, Jean-Marie Tichari. To be or not to be, Jean-Marie, Jean-Marie. To be or not to be, Jean-Marie Tichari. Ah, zouk, zouk, zouk là. Depuis qu'on a gagné, t'as expliqué que notre culture devait être protégée. Les murs de nos musées n'ont plus rien à montrer. Quand même la Joconde était une émigrée. Jean-Marie, Jean-Marie, to be or not to be, Jean-Marie Tichari, to be or not to be, Jean-Marie, Jean-Marie, to be or not to be, Jean-Marie Tichari. Depuis qu'à la radio, il fait de tels discours, on n'ose plus penser que les belles chansons d'amour, petite Mamouloudji, écrite par Aznavour, et que notre fils montant, ça peut l'aller dire un jour. To be or not to be, Jean-Marie, Jean-Marie. To be or not to be, Jean-Marie Tichari. To be or not to be, Jean-Marie, Jean-Marie. To be or not to be, Jean-Marie Tichari. Bye bye Adjani, bye bye Bikin. To be or not to be, Jean-Marie Tichari. Jean-Marie, Jean-Marie, il faut que tu t'arrêtes avant que Jésus retourne à Nazareth. Zouk, zouk. To be or not to be, Jean-Marie, Jean-Marie. To be or not to be, Jean-Marie Tichari. To be or not to be, Jean-Marie, Jean-Marie. To be or not to be, Jean-Marie Tichari. La la la la la la.